tandis qu'il creusait, et que je me posais la sempiternelle question « Pourquoi creuse-t-il » Il continuait de creuser. Sans doute est-ce qu'il voulait peut-être à tout prix déterrer un truc. Un truc enfoui, enfoui le truc. Pour qu'il creuse comme ça, sûr que le truc devait être enfoui. Et un beau matin, il sortit de sous la terre un gros machin. Un machin comme marché par une grosse machine. Un truc tout machiné, vieux et rouillé. Il a sorti ça, il a dit. Tu vois ce machin que j'ai déterré? Il était là sans savoir que quelqu'un creuse. Sans savoir si c'est toi ou moi qui creuse. Ni rien du tout. Sans rien savoir du tout, il était là, ce vieux gros machin rouillé. Qu'est-ce que t'en sais de ce que c'est que ce machin, j'ai dit?